Vous écoutez Rythme, le réseau indépendant de transmission magique. Alors bonjour et bienvenue sur les ondes magiques de la Rythme. Alors pour cet épisode 18, j'ai perdu le compte. Donc on va être en compagnie du groupe de Wizard Rock The Basilisk Ignorpastin. Donc avec nous. Bonjour, moi c'est Glut, le grand guitariste blond et musclé du groupe des Basilisk Ignorpastin, charismatique avec ses 13 ans de formation exceptionnelle à la guitare, grand compositeur et bon c'est bon je m'éteins. Lucie, chanteuse et batteuse affirmée, confirmée et instructive. Lou, bah moi je sers à pas à grand chose, je gère le MySpace avec Chloé et un peu des paroles et des backups, voilà, c'est tout. Nelly, je suis la doyenne du groupe, donc un peu de respect, chanteuse, tambourine woman et chœur. Moi c'est Caro, rien de particulier, j'écris un petit peu, je fais les chœurs un petit peu et je clap de temps en temps. Chloé, donc moi je suis la geek aussi avec Loulou, je suis l'elfe de maison de Lou, donc je lui fais la bouffe tout le temps. Et j'écris quelques paroles et du backup aussi, et clap clap aussi. Kéké, guitariste un peu moins musclé avec les cheveux roux, et voilà, peut-être un jour harmoniciste du groupe, et, et je fais des chœurs aussi, voilà. Et Elena, non je joue pas dans le groupe. C'est moi qui mène l'interview et donc vous retrouverez Alice, Purple, Deagle et Pruno dans l'épisode 19. Donc épisode 19 avec le retour de Tonton Stan. Il en a fini avec ses problèmes judiciaires. Et donc maintenant, bah, on va passer avec The Basilisk Ignorpastin. Bon, on y va ? Really bad. Don't kill Bob Moran. It's bad. And say it as your band. Hide your man. Save the planet. Save the planet. Yo, quand tu te brosses les dents, ferme les robinets. Pas de mort, pas de mort. Jette tes papiers dans les bonnes poubelles. Quand tu vas faire tes courses, achète du Marc Sabral. Voldemort man, il faut faire le tri. Éteins le lumière quand tu sors de ta chambre. Ça tue les ours polaires. Voldemort Rastafari, fais gaffe aux faux sceptiques, même si t'as la colie. Ganja. Alors, du mashup Avral. Cette personne est bien. J'ai bien aimé Je sais. Donc, alors, avant de commencer, une question toute simple. Comment avez-vous découvert Harry Potter ? Bon, alors, moi, c'est ma grand-mère qui m'a offert le troisième. Et donc, je voulais pas. Enfin, j'avais commencé à le lire, mais je trouvais pas ça super intéressant le début, quoi. Et donc, voilà, après, ma mère nous a lu avec mon grand frère les livres. Et du coup, on pouvait plus attendre, donc on les a lus. Et voilà, le quatrième, après, c'était la folie. Après, sinon, avec Chloé, Lulu et Lou, on avait fait un forum de HP des Dreams. Enfin, on a participé à un forum, quoi. Et voilà, pendant plus d'un an. Et voilà, c'était vraiment trop bien, quoi. Alors moi, j'ai découvert Harry Potter il y a très longtemps, quand il y avait que les trois premiers qui étaient sortis, en fait. Et c'était ma cousine qui avait ça, et c'est quoi ce truc avec des sorciers, là ? Et donc j'ai lu ça, et après j'étais comme une dingue avec ça, et voilà. Et puis ensuite, j'en ai parlé à Lulu, et puis avec Lulu, on avait fait le fan club hystérique d'Harry Potter, avec d'autres copines. Donc, on avait 14 ans, je précise, parce qu'elle a honte. Et donc voilà, c'était super super cool. Et puis après, il y a eu aussi cette histoire d'HP Daydream qui était super bien. On a rencontré plein de gens par internet. C'était rigolo. Enfin voilà. Moi, j'ai étudié le premier en cinquième ou en sixième, je sais plus. Et oui, on devait faire des exposés et tout, et ça m'avait bien plu. Donc j'avais acheté les deux ou trois autres après. Et puis voilà. Après, je suis rentrée dedans. J'étais à fond dedans. Et puis puis Daniel et puis Olivier Dubois, quoi. Donc voilà. Ah bah Olivier. Bah ouais. Bah moi je suis fan de sorcières déjà depuis que je suis petite. Donc après j'ai grandi, j'ai lu tous les bouquins classiques de sorcières et j'ai découvert le troisième Harry Potter, je crois, dans la bibliothèque de ma sœur. Donc je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé. Donc donc j'ai lu les autres après. Et voilà. Alors moi, au début, j'avais pas du tout envie de lire Harry Potter. J'ai commencé à les lire quand le 4 est sorti, parce qu'avant, voilà, j'avais des potes qui m'en avaient parlé et j'avais commencé à regarder le premier chapitre et cette histoire avec le chat et tout, ça m'avait, avec le vieux qui éteignait les lumières, ça m'avait saoulé. Mais donc, quand le 4 est sorti, je me suis dit, il faut que je lise et j'ai lu et j'ai pas regretté parce que c'est trop bien. Alors moi c'est pareil que Lou, en fait au départ je ne voulais pas lire ce livre parce que je lisais Les Royaumes du Nord et que je trouvais ça mieux, et en plus j'avais un peu tendance à considérer Harry Potter comme une espèce de club des cinq, je trouvais ça avait l'air niais, quoi, enfin bon. Et puis finalement j'ai lu quand même parce qu'on nous les a offerts les trois premiers, et puis après voilà, c'était la folie du 4, donc c'était trop bien. Puis voilà, le Fchepeu, blablabla, blablabla, Olivier Dubois, blablabla. Oui, alors moi j'ai commencé par le premier, mais voilà, je sais pas, j'étais genre en sixième et puis j'ai continué, puis au quatre, je me suis arrêté. Voilà. Mais c'est bien quand même. Voilà, donc ça fait un moment que vous baignez dans l'univers Harry Potter, en fait, plus longtemps que moi. Je suis mal, ouais. Et donc, comment est né The Basilisk in Your Past? Alors, donc c'était cet été, l'été 2007, enfin l'été puisque c'était septembre, bon, fin août, ah bon, voilà, nous étions dans un endroit idyllique, un havre de paix au fin fond de la Nièvre, chez la grand-mère de Chloé, et donc voilà, on s'amusait, donc on faisait de la musique, toute la journée, c'était magnifique. Et donc, on a commencé à délirer sur le truc de Potter Puppet Pals, que nous allons vous interpréter vite fait. Allez. En gros, c'est ça. Je sais pas si on entend quelque chose, mais c'est pas grave. Et en fait, vu qu'avec Glut, on s'entraînait à faire du reggae, pour une raison ou y, enfin bon, et on a décidé de faire cette chanson en reggae, donc ça nous a mené sur le terrain d'Harry Potter, au Wizard Rock. On a décidé de faire du Wizard Reggae, donc on a écrit une chanson Roots. Voilà, et après, vu qu'on a eu le plaisir et la grande joie de l'enregistrer et que c'était cool, et ben on a continué. Et maintenant, on fait du Wizard Rock parce que le reggae, ça nous gave et qu'on n'est pas des roots. À part Kéké, qui est un roots et qu'on respecte. Voilà. Voilà, donc vous êtes plutôt jeune. La moyenne d'âge se situe entre 19 et 21. Et Nelly, la doyenne, d'accord, 22. Et donc, niveau musical... Donc il y a Kéké et Glut qui font de la guitare, mais vous avez une formation, non, ou vite fait peut-être. Bah moi depuis que j'ai 7 ans je fais de la guitare, j'ai commencé par la guitare classique et du coup après à la fin de l'école primaire j'ai fait de la guitare électrique, voilà, donc ça fait, je sais pas, 12-13 ans peut-être, je sais plus, voilà. Bah, j'allais dire, c'est exactement pareil. J'ai commencé à 7 ans et puis pour mes 10 ans, j'ai eu le plus beau cadeau de ma vie, qui a été la guitare électrique. Et donc, voilà, depuis, je me suis mis à la guitare électrique et depuis, bah, je fais de la guitare électrique et c'est bien la guitare électrique. Mais maintenant, je me suis mis au violon pour changer parce que quand même... Depuis le 14 septembre, un peu avant, je joue du triangle. Je m'y suis mise et c'est dur. Moi, je fais du tambourin depuis 2 mois maintenant. Enfin, je tiens à préciser quand même sur les enregistrements, c'est pas moi qui fais le tambourin. Je suis désolée. Il me faut encore un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu d'entraînement. Et moi, j'ai acheté un harmonica vert qui s'appelle Lionel, mais je sais pas encore en jouer. Donc... et ça sert pas grand chose, mais c'est pas grave, c'est le plaisir. Ok, et donc après, donc on a les 5 chanteuses aussi, et là aussi, aucune formation musicale, non, rien, donc... Travail de longue haleine, formation de douche. Formation de douche, d'accord. Donc, en fait, The Basilisk in Your Pasta, c'est surtout né d'un gros trip, surtout parce que vous connaissez de longue date, en fait. Un voyage aussi, et puis en même temps, un trip. Allez, je parle. C'est en fait, on est tous un peu entremêlés. Ça vient de loin, ça vient de nouveau. C'est on s'attache, puis des fois on s'abandonne. Enfin, c'est magnifique. Par exemple, Chloé, je la connais depuis mon très jeune âge, de quelque chose genre 3 ans, et nous ne sommes jamais quittés. Par contre, il y a aussi Caroline et Nelly que je ne connais que depuis l'année dernière. Donc voilà, on est tous un peu comme ça, mais certaines choses nous ont rapprochés. Okay. D'accord. Et sinon, dans le Wizard Rock, donc vous n'êtes pas les seuls, mais il y a beaucoup de groupes anglais. Ils ont tous des noms un peu avec des personnages. Drago and the Malfoy, Harry and the Potters, le Saul Cogneur et compagnie, donc... Ok, et donc, vous, vraiment, là, vous avez débarqué avec The Basilisk in Your Pasta, quoi. Vraiment, le nom qui... ça a foutu un coup de pied dans la fourmilière, quoi. Pourquoi ce nom, justement? Encore moi? Parce qu'il est magnifique. Parce que c'est déjà les groupes de rock de merde qui portent un The. Voilà, et parce que c'est trop bien de mettre un The. Ensuite, c'est un peu compliqué, le truc, c'est qu'en fait, bon, bah, en anglais, on dit basilisque pour le serpent et on dit basil pour le basilic. Mais en français, on peut faire un super jeu de mots avec le basilic qui bouffe les gens et qui se fait bouffer aussi, quoi. Enfin, donc voilà, et puis en même temps, c'est une... Quand on a composé notre première chanson, en plus, on attendait que Caroline nous fasse à manger et donc du coup, ça nous a inspiré vu qu'on est tous un peu des morphales aussi, il nous fallait un nom avec la bouffe. Et puis c'est aussi une grosse réplique de 4 garçons pleins d'avenir, le film préféré de Nelly. Enfin, c'est une réplique du film Quatre garçons pleins d'avenir où il drague une nana lamentablement et il lui dit I can be the butter in your pasta. Donc voilà, tout ça pour ça. Ok, merci. Donc, on va parler vraiment du groupe de musique. Donc, vous êtes né vers août-septembre 2007. Depuis, vous êtes sur MySpace. Et donc, vous avez eu quand même un sacré succès, donc, puisque vous êtes à combien de visites aujourd'hui? 10 379 visites. Non, à peu près. Enfin, on a dépassé les 10 000 visites la semaine dernière. C'était la fête. On a eu du succès assez rapidement. En fait, on a eu pas mal de chance parce que on a fait des demandes d'amis avec des demandes d'amis. On a gratté l'amitié avec des groupes, quoi. Qu'on connaissait déjà et ils nous ont bien aimés, ils ont parlé de nous à d'autres gens. Après, il y a un site qui a parlé de nous, qui a fait Voldemort Piss Off, la chanson de la semaine. Du coup, voilà, on a eu plein d'amis comme ça. C'était Lou, notre attaché commercial. D'accord, est-ce que c'est le fait d'être français qui vous a attiré du succès? Parce que votre chanson est en anglais, mais il y a quand même quelques paroles en français. Donc, est-ce que vous pensez que ça peut être ça qui a attiré? Parce que c'est surtout des Américains, des Anglais qui écoutent ça. Bon, il y a quelques Français quand même. Hein. Mais est-ce que ça peut être ça? Je pense que ça a aussi une grosse part parce que ils trouvent ça super qu'on soit français, voilà, parce que ils trouvent que notre accent il est trop bien et en plus ils adorent qu'il y ait des petits mots en français dedans et tout ça. Mais on le sait parce que ils le disent dans les commentaires. Si tu lisais les commentaires, si tu allais sur le MySpace. Et donc voilà, ils n'arrêtent pas de nous dire dans les commentaires « Oh, vous êtes trop bien, en plus vous êtes français, donc c'est génial et tout. » Et c'est pour ça qu'on s'efforce dans toutes nos chansons de mettre des passages en français. Enfin, du moins je m'efforce. Et de dire des trucs assez nuls. Voilà, et on s'en fout parce que ça peut être nul, comme ça nous on peut caser nos délires personnels et personne ne comprend. Enfin, ou pas quoi. Et puis en fait, voilà, on était le premier groupe français, en tout cas... connu sur MySpace, vu qu'il y avait Célestina Moldivec, mais même nous, on ne connaissait pas. Voilà, désolé. Hein, du coup, voilà. C'est... voilà, mais pourtant, j'en connais. Mais voilà, du coup, c'était la French Touch. Et du coup, c'est pour ça qu'on a eu du succès en partie. D'accord, parce que vous êtes trop bien. Oui, je... Vous avez du modestie. Alors, question. Ok, donc on revient un peu Harry Potter et le groupe. Donc, le numéro 7, donc le chiffre magique dans Harry Potter, vous voyez, il y a une référence au numéro 7 un peu partout. Ouais, par exemple, dans le tome 1, les 7 épreuves que Harry fait pour arriver jusqu'à la pierre philosophale, dans le... Ouais, parce que... Bref, etc., quoi. Donc, il y a le 7... Voilà, les 7 Potter, les 7 Weasley, les 7 passages secrets et compagnie. Bref, vous êtes 7 aussi. Hein. Est-ce que c'est une coïncidence? Ok, mais c'est vraiment une coïncidence ou c'est vous qui avez voulu être 7? En fait, c'est le destin, je crois. On était fait pour ça. En plus, je tiens à dire que c'est pas vrai, on est 7, on est une base de 7, mais il y a quand même des membres volatiles, volages, voilà, volants, quoi, dans le groupe. Donc, voilà, pour ne pas citer Timothée Bryan. Donc, franchement, on va dire qu'on est 7 parce que c'est vraiment trop la classe, quoi. Ok. Donc, on en vient à vos projets. Parce que pour le moment, vous avez qu'une chanson, Voldemort Piss Off, mais est-ce que vous... On en attend une deuxième, donc est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors pour l'instant, on en a une sur le MySpace, mais il y en a une deuxième qui est enregistrée, qui est en train de se mixer, donc qui viendra bientôt sur le MySpace. Mais sinon, on en a 5 ou 6 autres qui sont prêtes aussi, qui sont toutes composées, toutes écrites, toutes chantées, qui sont toutes aussi géniales. Et elles ont chacune un style différent, donc on a commencé par un genre roots, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais la deuxième qui va pas tarder de venir, elle est plutôt blues, jazzy, puis la troisième elle sera plutôt punk, la suivante elle sera plutôt rock. Après, bon, il y aura d'autres exemples différents, quoi. On est en train de composer une chanson Beach Boys qui est bien avancée niveau musical, mais après le reste, on n'a pas de paroles, donc voilà. Et donc, des projets de chansons en français ou vous allez rester dans des paroles anglaises? Alors, on a deux projets de chansons en français, parce que quand même, c'est bien d'écrire des chansons en français. Donc, on en a une sur Dobby qui s'appelle Vilain Dobby, et une autre écrite la semaine dernière sur Ron. Voilà, mais faut qu'on finisse les paroles et la musique et tout, parce que c'est pas du tout avancé. Voilà, donc, est-ce que vous pouvez nous jouer un extrait ? Smoke up in the morning, and then when my whole world is sleeping, but I can't close my eyes. Every time I do so, something inside me dies. I'm just thinking about it, can't stop thinking about it. Boy, I'm still thinking about it. I'm obsessed. We're all obsessed. Baby, please listen to my request. You're like fire whiskey to me. It's gonna be dangerous if you don't rescue me. I'm just thinking about it, can't stop thinking about it. Why am I still thinking about it? Cause there's only one thing, which is desire. And for what it is not the famous singer. Ivan! I'm fucking freezing now, but whatever. I'm just thinking about it, can't stop thinking about it. Why am I still thinking about it? Even the meanest demon joy can take this heat away. Personne ne note ta classe à cheval sur un balai. Aren't you sick with teams? Please be my private captain. Ton visage me fait rêver, à l'Écosse c'est plein. Cause there's only one guy who makes me go wild. So don't let me down and give up the prize. Your sex. Ok, donc ce qu'on vient d'écouter là, c'est Oliver Wood, votre deuxième titre. Donc il va bientôt apparaître sur MySpace, normalement. À peu près une date, pour la sortie. Alors ça fait à peu près 15 jours que mon père dit qu'il va me la donner le lendemain. Donc je peux pas dire avec certitude. Mais normalement soit lundi, mardi, enfin dans la semaine quoi, on va essayer. Ok, donc alors au moment où vous l'écouterez, ce sera plus du tout une exclusivité, mais au moins vous l'aurez entendu dans la cuisine de Lulu. Voilà. Donc ensuite, je pense que vous avez des projets pour The Basilisk in Your Pasta. Donc lesquels sont-ils? Alors en fait, il y a Matt des Whomping Willows, le seul cognard. Et un des gars de Harry and the Potters qui nous ont contactés parce qu'ils ont en fait une organisation qu'ils ont fait pour 2007, ça s'appelle Wizard Rock EP of the Month, et en fait chaque mois ils sortent un CD d'un groupe de Wizard Rock, donc il y en a 12 par année, et en fait les gens s'abonnent à l'année et reçoivent les 12 CD. On sait jamais, hein. Et donc, en fait, tous les bénéfices vont à une association caritative. Et pour l'année 2008, ils nous ont demandé de faire partie, enfin, d'être un des groupes de l'année. Donc, ça veut dire qu'on va avoir un CD, a priori, qui sortira en automne. Et ils nous en enverront 200 gratuitement. Voilà. Que les autres, ça ne nous rapportera pas de sous, donc il faut absolument que vous nous achetiez ce qu'on aura. D'accord, on fera quelque chose pour vendre ces CD sur la Gazette. Ok, et sur ce projet de CD, vous savez à peu près combien de chansons il faut, parce que là, vous en avez deux. Vous en avez encore cinq en projet, non, ou d'autres. Je ne sais pas si vous avez, par exemple, comme les vrais CD où il y a environ 24 chansons, est-ce qu'ils vous en font ? Est-ce que vous allez en faire autant ou... Bah en fait, ils nous ont dit qu'il fallait avoir minimum 4-5 chansons, mais on va quand même essayer d'en faire plus. Là, on en a 6-7 en projet, donc je pense qu'on... Qui sont prêtes, à peu près. Ça dépend, mais... je pense qu'on pourra faire une dizaine de chansons, quand même, et voilà, ça sera bien. En fait, le truc, c'est que nous, on peut faire des chansons vite, mais après, le problème, c'est pour les enregistrer, étant donné qu'on est gracieusement enregistré pour que dalle, on peut pas non plus s'imposer un enregistrement tout le temps. C'est pour ça. C'est vrai que voilà, vu que c'est qu'en automne, on a un peu de temps, quoi. Voilà, donc vous avez un an pour faire CD, donc j'espère pouvoir l'écouter. On en reparlera au cas où s'il faut. Voilà. Mais sinon, en France, est-ce que vous avez des projets de concerts, par exemple? Parce qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, on sait déjà qu'il y a quelques groupes qui tournent, qui font des tournées, qui font des concerts et tout. Est-ce que ici, en France, vous allez avoir les mêmes projets ? En fait, on a une copine qui habite à Belfort et a priori, tous les ans, ils organisent un espèce de petit festival pour le FIMU. Festival de musique... Attends. Festival international de musique universitaire. Voilà, donc du coup, on pensait peut-être y aller parce qu'ils prennent un peu tout le monde, donc on voulait peut-être essayer de se tenter un petit live, quoi. Vu qu'ils prennent tout le monde, ils nous prendront peut-être nous, on sait pas. Non, mais il paraît que vu que notre concept est original, peut-être qu'on pourrait être pris, il faut qu'on pose notre candidature. Donc voilà, venez nous voir à Belfort si jamais on y est. Ouais ! Je pense qu'on manquera pas de le noter sur la Gazette, donc si vous passez par là-bas. Sinon, donc au niveau scène, ici en France. C'est pas comme aux États-Unis où voilà, ils ont fait des librairies et tout, enfin pour les sorties de tome 7. Donc ici, il y a vraiment. Vous avez essayé de chercher, voir si s'il y avait moyen de faire des salles de concert ou je sais pas où. Pour l'instant, on n'a que deux chansons et quelques, donc en fait, on pense pas encore à faire des concerts. Je pense qu'on essaiera peut-être l'an prochain au printemps par là, voilà. Puis aussi, c'est un peu dur parce que on n'est pas tous sur les mêmes rythmes, c'est un peu compliqué. Déjà, au niveau des études, on fait pas tous pareil. Bon, nous, on est majoritairement à la fac, donc là, en plus, c'est bloqué, donc on a tout notre temps. Mais Glut, il est quand même dans une école, ça lui prend beaucoup de temps. Et puis, Chloé et Lou sont à Paris, donc c'est pas forcément très facile non plus, quoi. Sans compter ceux qui rentrent chez eux pour les week-ends, voilà, quoi. C'est un peu la galère. Ok, et sinon, question de nos forumers qui connaissent très bien Célestina Moldybeck. Si c'est pas le cas, je vous renvoie aux épisodes 2 et 14. Et donc, est-ce que vous seriez intéressé par un duo avec Célestina ? Envoyez-nous Célestina. Ok, donc Célestina, si tu nous entends entre deux tournées dans ton monde magique, rejoins-les à Lyon pour une série de concerts. Voilà. Une série de... Il y a plein de parcs, il y a plein de quais à Lyon, on peut chanter là, c'est nickel. Célestina, retrouve-nous sur les quais de Neurone. Alors voilà, je voulais juste dire que la Wizard Rock, la communauté Wizard Rock est géniale, que ce sont des gens magnifiquement gentils, qu'il faut bien le dire que si on a eu un peu de succès, c'est parce que c'est un monde de bisounours et que tout est beau, tout est possible, tout le monde s'aime, tout le monde est ami, même ceux qui chantent mal et trop, qui font pas de musique, ils sont là, et que le Wizard Rock c'est ça, Harry Potter fait lire les gens et Harry Potter fait aussi faire de la musique aux gens qui n'en faisaient pas. Nous avons acheté un triangle, un tambourin, un harmonica, nous nous sommes mis à chanter alors que nous ne le faisions pas. J. Caroline, merci. Juste, ça sert à rien. Bon, ça sert à rien, ça va sûrement pas passer, mais j'ai un petit message personnel pour Aurélien Wick. qui est un acteur français dont je suis totalement amoureuse. Donc si jamais il passe par là, n'hésite pas à prendre contact avec moi. Merci. Je savais qu'il y avait trop de filles dans ce groupe. Le Fizz Whiz Biscuit. Le quoi? Le Fizz Biwiz. Le Fizz Biwiz Quiz. Le Fizz Whiz Biscuit. Le Fibi. Le Fizz Whiz Biscuit. Donc c'est parti pour une manche de Fizz Whiz Biscuit. Donc avec moi, l'équipe des Fire Whiskey. Voilà, donc il y a Caro, Clo et Kéké. Et de l'autre côté, en face d'eux, il y a l'équipe des caleçons d'Olivier. Purple, si tu nous écoutes. Voilà, donc avec Nelly, Lulu, Lou et Glut. Donc on va commencer cette première partie avec une manche de Weasley, Weasmosh ou les deux. Donc vous devez répondre Weasley, soit Weasmosh, soit les deux. Sauf que dans cette partie-là, donc les questions sont Ginny, Hermione ou les deux. Donc vous devez répondre soit Ginny, soit Hermione, soit les deux. Voilà. Weasmosh, c'est le nom de la rubrique. Donc vous devez répondre Ginny, Hermione ou les deux. Alors, vous êtes au taquet? Ouais. Ils sont prêts, c'est parti. Alors, première question. Elle joue très bien au Quidditch. Ah. Quelle cacophonie. Donc les caleçons d'Olivier ont été plus rapides. Ginny. Très bien, un point pour les caleçons d'Olivier. Alors, deuxième question, attention, c'est rapide. J'ai les cheveux roux. Ah, les Fire Whiskey ont été plus rapides. Ginny. Eh bien, non. Les deux. Non, parce que c'était une question piège et que vous m'avez coupé. Donc, la question, c'était, j'ai les cheveux roux, des taches de rousseur, qui est ma femme? Donc, la réponse était Hermione. Eh oui, je suis spécialiste des questions vicieuses. Alors, troisième question. Qui Daniel Radcliffe doit-il embrasser dans les prochains films? Il est plus rapide encore. Ginny. Vous voulez rajouter quelque chose? Les deux. Ils ont raison. C'est les caleçons d'Olivier qui ont raison encore une fois. Daniel Radcliffe doit embrasser Ginny et Hermione. Hermione, bah quand tu as lu le livre? Mais si, quand ils ouvrent le médaillon de Serpentard et que Ron voit Hermione et Harry s'embrasser. Et ouais, c'est pour ça que j'ai bien précisé Daniel Radcliffe, sinon j'aurais mis Harry. Donc c'était encore une question vicieuse. Ah, il faut réfléchir un peu. Oui. Donc 3-0. Les prochaines seront plus faciles. J'ai fait la manche un peu corsée là pour la première, mais le reste c'est. Tu parles. Elle dit ça, c'est faux. Mais si. Alors, quatrième question, ça c'est facile. Je travaille pour la Gazette du Sorcier. Ah, Kéké, il est sur le taquet. Hein. Ginny. Eh ouais, c'est bon, un point. Ouais, c'est une révélation de J.K. Rowling. Il fallait que je la sorte parce que sinon Pruneau il va m'engueuler. Pruneau est fan de Ginny. Alors, dernière question. Alors, celle-là, elle est vicieuse. Alors, cinquième question de cette dernière manche. Pour elle, Ron est plus qu'un ami. Les corbeaux étaient plus rapides, les caleçons d'Olivier. Les deux. Bravo! Puisque l'une devient sa femme et l'une est sa sœur. Bien. Voilà. Ah oui, c'est quelle page normalement? Maintenant? Page 504, version anglaise, mais en français, je sais pas. Tu lui embrasses! Ah ouais, elle est en médaille. Je n'explique même pas le coup. peux parler, toi aussi, d'ascenseur dans ton truc. Là. Alors, on passe à la deuxième manche. Elle est beaucoup plus facile, celle-là. C'était la première, c'était pour vous mettre dans le bain, voir qu'il y avait des trucs vicieux et tout. Donc, la deuxième manche, beaucoup plus facile. Alors, toujours un Weasley with moche, ou les deux. Sauf que cette fois, c'est le basilic, ou les deux. Donc, il y a le basilic, le roi des serpents, et le basilic, la plante, donc le condiment, ou les deux. Alors... Ok, première question, elle est facile. Vous êtes au taquet, donc j'ai le regard qui tue. C'est nous, c'est nous. Les quatre sont d'Olivier, votre réponse ? Le basilic, le roi des serpents. Bien. Et un nouveau point pour les quels sont d'Olivier. Alors, deuxième question. Harry a déjà eu affaire à moi au moins une fois dans sa vie. Ah, Kéké. Les deux ? Les deux ? Oui, les deux. Le dernier mot ? Oui, c'est ça. S'il a jamais eu affaire à moi, du basilic le condit. Comment on sait qu'il a mangé des pâtes au basilic ? Ouais, ça se fait, il a l'air. Ouais, moi, je sais pas des pâtes. Mais peut-être pas des pâtes, mais il a déjà mangé du basilic au moins une fois dans sa vie. J'espère. Ah, quand même. tu veux perdre un point, c'est ça ? Donc, un point pour les Fire Whisky. Ouais. Troisième question. Je vais très bien dans des pâtes. C'est serré, là. On l'a fait. Les deux. Donc, allez, je vous mets un point chacun. Il va y avoir un problème dans le comptage. Alors, donc quatrième question. Je reste dans une chambre froide et sinistre pour mieux me conserver. Encore un nouveau sur le cas. Les deux. C'est bien. Ouais. C'était ça la réponse. Hein, putain, on fait mal malin maintenant avec tes cachons dans les pieds. Un nouveau point pour les Fire Whisky. Donc oui, donc quand vous rangez dans le frigo, c'est froid et sinistre. D'accord. Ah, il peut être bien rempli, c'est vrai. Alors, cinquième question, la dernière de cette deuxième manche. Je suis vert. Ok. Je vais vous redonner un point à chacun parce que. Oui, c'est les deux. C'est bien ça. Et vous êtes les deux vraiment. Les deux en même temps là, donc c'était serré, donc un point chacun. Alors. Donc, on arrive à la troisième manche et la dernière. Cette fois, ce n'est plus un Weasley, Weasley moche ou les deux, mais un Epeliarmus. Donc, vous devez trouver la réponse commençant par la lettre B. B, comme bébé, brouette. Voilà, alors, première question, pour faire de la magie, je suis indispensable. Ah, glutila. Une baguette magique. Bien. Un point pour les caleçons d'Olivier. Ok, deuxième question. J'explose et je pue. Une bombe à bouse. Exact. Bien. Très bien. Bon, alors, dernière question, la toute dernière de ce quiz. Alors, vous êtes prêts ? un groupe de wizard rock. Ah cette fois, c'était les Fire Whiskey. Oh, Basilisk in your pasta. Exactement. Non, le Dja ne compte pas. Je suis mauvais joueur. Ouais. Voilà. Donc, c'était le Fizz Whiz Bee Squeeze. Ouais. Avec les Fire Whiskey. Ouais. Et les caleçons d'Olivier. Alors, les points. Pour les Fire Whiskey, j'ai 6 points. Ouais. Un applaudissement quand même. Merci. Et pour les caleçons d'Olivier, j'ai 9 points. Ouais. Donc, les caleçons d'Olivier sont nos gagnants. Bien joué. C'était pas facile, je vous l'avoue, pour la première manche, mais... Oui, c'était méchant. J'aime les questions méchantes. Voilà, mais vous êtes bien débrouillés quand même. Faux théorie. Donc, on va se lancer sur les conversations du tome 7. Déjà, première question, très difficile. Avez-vous compris la fin ? Avec la résurrection d'Harry, le problème des baguettes, parce que c'est un peu flou. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner une explication ? Vas-y. Comme d'habitude, c'est le pouvoir de l'amour. C'est ça qui fait renaître les chants. C'est l'amour de Dumbledore et de la mère de Harry, même si elle est morte. C'est trop génial. Non, c'est pas ça. Moi, j'ai compris ça comme ça, hein, franchement. Parce qu'il y a beau avoir des petits trucs avec des sets magiques et des machins et bidules... C'est un peu, c'est Harry Potter quoi, à mon avis. C'était pour pas qu'il meure et pour pas qu'on fasse une dépression, parce que moi personnellement j'aurais fait une dépression s'il était mort quoi. Bon alors moi je vais pas donner d'explication parce que en fait quand je l'ai lu en anglais j'ai hyper bien compris, je me suis dit waouh c'est hyper bien et tout machin, et je l'ai relu il y a 15 jours en anglais toujours et j'ai rien compris en fait. La deuxième fois que je l'ai relu j'ai rien compris, je me suis dit comment j'ai fait pour comprendre la première fois. Parce que avec l'histoire de Malfoy, de la baguette et tout ça, j'ai vraiment mais rien pigé du tout. Donc je sais pas, il doit y avoir un problème, c'était peut-être tard ou je sais pas. Mais... Visiblement, c'est juste que... On a... Merde. C'est juste que le sort a ricoché contre le sort d'Harry, du coup il s'est pris son Avada Kedavra. Ah. Parce que en fait c'est lui qui avait récupéré la baguette quand Dumbledore était mort. Ah, c'était lui qui l'avait pris dans sa main la première fois en fait. Non, c'est pas ça le truc. Vas-y, non, c'est parce que je crois que c'est parce que Malfoy a désarmé tout simplement Dumbledore. Il lui lance un Expelliarmus, donc il le désarme, donc c'est bien lui le maître de la baguette. Mais bon, ça, la baguette, c'était pas trop le problème, mais c'était le... Nous, ce qui nous a posé surtout problème, c'était le sacrifice, pourquoi il revient et tout ça. Enfin, c'est vraiment la confusion, quoi. Donc je sais pas si vous avez des théories là-dessus. C'est que, en fait, la protection, comme elle était dans le sang de Voldemort, et ben, il pouvait pas se tuer... Enfin, il pouvait pas tuer Harry, parce qu'il y avait quand même une part de Harry, c'est genre un Horcrux, en fait, mais pas pareil, parce que... Non, mais en fait, il y avait du sang de Harry dans Voldemort, donc, quelque part, il avait toujours une part de vie, tu vois. Et donc, voilà. Fin... Non, puis on parle quand même de gens qui volent sur des balais, qui font des sports improbables, machin. Alors, à la limite, s'ils veulent revenir quand ils sont morts, faut pas le problème, quoi. Alors, pourquoi Dumbledore et Sirius sont pas revenus ? Parce que ça faisait pas bien. D'accord. Aussi. Ils étaient prêts à partir. Non, alors Harry, Harry... Oh, vieux, Harry n'était pas prêt quand il est là dans son bureau. Mince, je vais devoir me tuer quand il comprend là qu'il a lu il a vu les souvenirs de Rogue et tout. Il était prêt quand même. Il était prêt quand même. Il était prêt à se sacrifier, mais c'est le fait qu'il n'est pas opposé de résistance. Voilà. Et donc, il est mort, en fait. Enfin, physiquement, il est mort, mais vu que, comme Kéké a dit, il restait son sang dans Voldemort, il restait la partie de Harry qui était dans Voldemort. Donc, voilà. Et la protection et le pouvoir de l'amour. Donc, du coup, non, mais ça, le pouvoir de l'amour, ça, à la fin, c'est n'importe quoi. Ça, c'est pas cette histoire-là. Je trouve aussi que ce truc, c'était un petit peu bizarre et tout. Et genre, Voldemort, hop, un petit coup de baguette, il meurt. Quoi, alors non, que non, ça, c'était pourri, je suis d'accord. C'est quand même le Dark Lord, tu vois. C'est vraiment. Ok, donc. C'est quand même un sacré. Ouais, c'est compliqué, voilà. Donc on va passer à autre chose. Donc pour le... Vas-y. Si je puis me permettre, je voulais juste parler de la fin du set, où j'ai été extrêmement déçue, juste de la dernière partie, un petit peu les feux de l'amour mélangés à la petite maison dans la prairie. Et Côte Ouest, tout à fait. Alors, nous, avec Chloé, on aurait espéré une fin un peu plus piquante, avec un... Enfin, je veux dire, Harry Potter, quand même, à 18 ans, il a vécu un truc que dans notre vie, on vivra pas... Même si on vivait 15 vies, je veux dire, hein, à la limite... Donc moi j'aurais aimé qu'ils finissent drogués et alcooliques quoi. Franchement ça et dépressif, ça aurait été une fin juste. Et pourquoi il reste avec Ginny quoi, c'est bon. Je suis désolée les deux petits couples Harry et Ginny, Ron et Hermione. Moi j'adore Hermione mais Harry et Ginny c'est bon quoi. Il peut pas rester avec elle toute sa vie. C'est le pouvoir de l'amour. Tu rencontres une femme, tu l'épouses. Moi je suis désolé, c'est peut-être très cucu et tout ça, mais moi j'ai quand même kiffé parce que, enfin je sais pas, Ginny c'est quand même, moi je la trouve super attachante, surtout à la fin quoi. Elle est... Mais pourquoi elle finit avec Harry? Et bah parce que moi je trouve ils sont complémentaires. Loup, ils sont faits l'un pour l'autre, on a voilà, déjà parlé de c'est ça, déjà c'est, ils sont nés comme ça. Et en plus, tu dis, ils ont vécu des trucs que jamais personne aura, mais en même temps, en France par exemple, aura monté un groupe de wizard rock et pourra vivre des trucs aussi bien que nous. Je veux dire, non, justement, ça veut dire qu'on va finir dans 19 ans, on va être super cool, quoi, avec des enfants, avec des noms aussi bien, avec des enfants aussi bien que Albus Severus. Non, je rigole, c'est non, mais moi non plus, pas dans 19 ans, mais voilà. Non mais moi je voulais revenir sur ce que Nelly a dit, c'est vrai que bon elle disait droguée, dépressif, tout ça, c'est vrai que ça évidemment J.K. Rowling aurait jamais pu écrire ça, mais c'est vrai que ça aurait été bien qu'on voit juste après justement toutes ces aventures qu'il ait un moment, un espèce de passage à vide où il se dit mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie quoi, parce que c'est vrai que... C'est un gars qui psychote tout le temps, surtout voilà. À partir du 5 et tout. Ah, et puis si. Tout d'un coup, c'est cool quoi. Voilà, tout d'un coup, ça y est, il a des enfants et c'est les bisounours et tout ça, donc c'est vrai qu'il manquait un petit quelque chose là. Mais parce qu'il y a 19 ans qui ont passé quoi. Enfin, je veux dire, en 19 ans, il a eu le temps de se reconstruire, oui, le pauvre. En 19 ans, oui, parce qu'il devient Aurore, il travaille pour le ministère. Il a acquis de la sagesse. Il est très bien en fait. Moi je trouve ça très bien, c'est la sagesse. Ouais, donc l'épilogue, vous le trouvez pas convaincant en fait? Non, puis attends, franchement, c'est quoi ces noms quoi? Elle aurait pas pu leur trouver des blazes plus pourris quoi? Albus Severus, je suis désolée, je suis contre. Mais en plus, James et Lily, ils étaient ensemble. Severus, il était un peu amoureux de Lily, donc ça fait un petit peu confusion, je suis désolée. Voilà quoi, ils sont frères et sœurs et ils s'appellent comme ça quoi. C'est trop beau, c'est Albus Severus et voilà, c'est mon idole. Ah, et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc il est vraiment Aurore, donc enfin ouais, je trouve c'est bizarre parce que en fait le bien a triomphé, donc je ne vois pas comment ils peuvent se battre contre le mal. Alors les aurores en fait c'est les flics, donc il y en a toujours. Voilà, moi je voulais revenir à Albus Severus. Il y a un policier. Arrêtez là, je t'ai pris. Oui, bien sûr, c'était pour régler. Enfin bon, pour revenir à Albus Severus, le seul point positif, c'est qu'il l'appelle Al, comme Al Pacino. Voilà, c'était tout. Ok, ouais, bon, donc en 19 ans, ils ont refait leur vie. Donc les autres aussi ont leur job et tout, donc tout est vrai, tout est bien qui finit bien. All was well. Quoi d'autre? Quoi rajouter? Si, quand même, je crois qu'elle l'a écrit il y a 17 ans, quand même, son truc. L'épilogue, elle l'a écrit depuis le tout début, quand elle avait... déjà l'idée et tout, donc c'est vrai que entre temps son style a un peu évolué et tout. C'est vrai qu'à la fin se retrouve avec ce truc, c'est vrai que ça fait un peu cucu la praline. Ouais, je trouve que ça fait fanfic, c'est vrai qu'avec tous les, ça va être le début de c'est ça, toute la fait. Nouvelle génération et tout, et ça craint. Bah. Je pense que surtout ça nous paraît cucu parce qu'en plus on a eu, en attendant on a eu des milliards de fanfics qui sont justement penchés sur le problème et les enfants, et il y a eu des milliards de noms d'enfants qui ont été trouvés et Et c'est bien dans la lignée, quoi, en fait. C'est vraiment pas original par rapport à tout ce qui a été imaginé, en fait. Et du coup, c'est pour ça que ça a un côté un peu décevant, c'est parce qu'on a l'impression, c'est vrai, de lire une fanfic à la fin, quoi. Mais qui aurait trouvé Albus Severus, quand même? Qui? Non, mais je pense que, bah, aussi ce que tu disais, qu'elle l'a écrit au début et puis que ça fait vraiment cucu, c'est aussi parce que la fin, elle est quand même... Enfin, elle est quand même très noire, le moment où il se dit qu'il va mourir, etc. Je trouve qu'en plus, l'écriture, elle est pas du tout la même. Et donc, ça fait vraiment bizarre de revenir à quelque chose d'un peu... Enfin, voilà, quoi. Ok, donc un sacré contraste entre les deux. Donc, sinon, dans ce tome 7, qu'est-ce que vous avez bien aimé? Lulu? Le retour d'Olivier Dubois. Est-ce que, alors, par contre, je sais pas, je suis pas sûre s'il est mort ou pas. S'il est mort, je jure, ça va être horrible. Il est pas mort, c'est cool. Bon, bah, ah, mais franchement, je suis désolée, mais s'il y a un truc que je retiendrai, c'était ça. J.K. Rowling est une femme formidable qui prend soin de ses fans, quoi. Parce que vraiment, le faire revenir alors qu'il a servi à rien pendant des milliards de tomes, et que, enfin, non, 7 tomes, quoi. Et il a jamais servi à rien, et là, elle le fait revenir juste pour le sport et la beauté du geste, je trouve ça splendide, quoi. Merci. Juste un truc. Bon, j'aime un peu beaucoup l'humour noir, mais j'ai vraiment adoré la mort d'Edwidge. J'ai trouvé ça délectable. La façon dont elle meurt, c'est tellement ridicule, on peut qu'aimer. Voilà, donc peut-être les autres, non, vous n'avez pas tous peut-être aimé la mort d'Edwidge ou le retour d'Olivier Dubois. Bon, donc déjà la mort d'Edwidge, non, j'ai détesté, c'était horrible. C'était horrible. Moi, ce que j'ai bien aimé, en fait, c'était tout le passage où il se passait moins de choses, c'est-à-dire quand ils étaient dans leur tente et qu'ils allaient chercher les Horcruxes et tout ça, parce que je trouvais que c'était vachement bien, ça cassait le rythme, justement, de la série où il se passe toujours 30 000 trucs, etc. Et là, le fait qu'ils soient là, qu'ils sachent pas bien trop quoi faire, etc., ça montrait plus les relations entre les personnages. Et j'ai bien aimé aussi quand Ron y revient, l'histoire avec le Horcrux et tout ça, c'était bien. Bon, Ron et Hermione, mais bon, ça, c'est notre côté fangirl qui ressurgit, comme toujours. C'est quand Ginny, elle ferme son caca à Cho, quoi. Quand il y a Cho qui revient, qui essaye de remettre le grappin sur Harry, et que l'autre, elle lui ferme sa gueule. J'ai trop aimé, je suis désolée. Et moi... moi, j'ai trop aimé quand on s'est rendu compte, en fait, qu'ils avaient continué à se battre à Poudlard, qu'ils avaient continué Neville, il était trop bien. Et qu'on se rende compte, voilà, qu'ils ont continué l'armée de Dumbledore, enfin qu'ils étaient tous ensemble et qu'ils se battaient avec aussi la radio Pottervale, c'est ça en français? Pottervale, ouais. Potter, c'était trop bien, ce petit côté de résistance, c'était super bien. Bon, j'ai la parole enfin. Et oui, donc moi j'ai trop aimé, par exemple, le truc des tentes là, comme disait Chloé. Non, mais voilà. Et particulièrement le run tourmenté, parce qu'on voit tout le temps Harry, oh là là et tout. Et là, bah il se casse quoi. Il a vraiment voilà. Ah non, mais voilà, ouais, mon côté rouge, je suis peut-être un petit peu run. Non. Mais voilà, après, bien sûr, ouais, la radio, quoi, c'est vraiment... Et Neville, quoi. C'est voilà, bravo Neville. Et Luna aussi, son père, le père de Luna, moi j'ai trop kiffé, j'ai trop... Oui, voilà, c'est vraiment, tu te dis, oh bah d'accord, elle est comme ça, on comprend pourquoi, c'est trop bien. Voilà. Quand ils vont chez eux et qu'ils voient les dessins que Luna elle a fait de tout le monde avec des petits trucs où il y a marqué amis et tout, c'est trop mignon. Non, un autre truc aussi, par contre, la mort de Dobby. Ah, c'était trop bien, parce que personnellement je ne peux pas blairer tous les elfes de maison et surtout Dobby, quoi, que je déteste. Et bon, d'accord, j'ai pleuré parce que je pleure tout le temps, mais oh, mais Dobby c'était trop bien, j'étais trop contente qu'il crève, quoi. Voilà. Surtout que, comme l'a fait remarquer le frère de Kéké, les premiers mots de Dobby sont « Harry Potter » et les derniers mots de Dobby sont « Harry ». Donc je veux dire, la boucle est bouclée, voilà quoi. Et aussi Harry Potter tout nu, mais ça c'est mon côté fangirl aussi. Ouais, Dobby quand même, il est trop fort aussi dedans. Moi j'adore parce que bon, il les sauve et tout. C'est un côté un petit peu, on le trouve niais, en même temps il est super héros quoi. Et l'énergie que met Harry pour faire la tombe et tout ça, Très grand moment de sentiment. Il y a aussi un autre super héros aussi qui arrive dans la bataille avec un médaillon autour du cou et une passoire, je sais pas trop quoi, dans la maille. Pour mon maître Régulus. Il y a Creature aussi qui... Creature, non ? Ouais, moi, là, c'est le... Ouais. Créature. En bon français. Non, bah ouais, moi, j'ai trop kiffé dans ce tome-là, parce que avant il est... Non, mais... J'ai bien aimé le tome en général. Non, mais... C'est vrai qu'il passe d'un elfe de maison vraiment antipathique au héros qui ligue, qui voilà, grâce au power of love, comme dirait si bien Ben Harper. Voilà. Bon, alors là, franchement, je suis vraiment pas d'accord, Kéké. Je trouvais que ce retournement de situation était ridicule parce que ok, il est complètement là. Non, mais c'est franchement, Creature, j'ai jamais pu le blairer, mais alors là, vraiment, c'était le pompon, quoi. Je veux bien qu'il aille chercher l'autre, la Mundingus Fletcher et tout, mais franchement, il sert à rien, quoi. Il est hyper antipathique, t'as envie de le taper, c'est tout. J'ai bien aussi aimé quand Fred perd son oreille. Voilà. C'est George. Bah ouais, mais ils se ressemblent, c'est Fred, pour ça. Fred, non. Ah oui, ça, c'est vrai que c'était affreux, j'ai trouvé. Bon. Autant faire mourir celui qui a plus d'oreilles, quoi, moi. Il est défiguré, autant mourir, c'est ça. Lupin, donc. Ah non, ça, moi, j'ai trouvé ça bien. Non. On sait même pas comment ils sont morts, et puis ils avaient leur fils et tout, et ils étaient trop bien. Oui, non, mais on sait, mais pas dans le livre. On le sait parce qu'elle nous l'a dit, mais quand on lit le livre, c'est horrible. Et c'était les mieux de la série. Et franchement, en plus, moi, j'ai envie de dire que Sirius, moi, je m'en foutais qu'il soit mort, mais Lupin, je suis pas d'accord, quoi. Lupin, je suis pas d'accord. James Sirius, si vous voulez, mais Lupin, je suis contre. Non, mais c'était un livre sympathique, malgré tout. Merci, Glut. Non, il y a un truc que j'ai vraiment aimé, je crois, c'est peut-être un des meilleurs moments du livre, c'est non, de ma vie aussi. Non, c'est quand Molly elle se déchaîne contre Bellatrix, elle fait non, c'est tu ne toucheras pas à ma fille, machin et tout. Et c'est trop bien, quoi. Là, c'est tu vois la puissance. Et, ah oui, je sais plus, mais garce. Ouais, bon, c'est gentil, mais voilà, elle est trop forte quand même. On dirait pas avant. Elle est trop forte pour les petits gâteaux et tout ça, mais bon, en fait, elle déchire. Voilà, donc là, on a plus ou moins vu vos passages préférés et détestés dans le tome 7. Sinon, globalement, dans toute l'œuvre de J.K. Rowling, il y a sûrement un livre que vous aimez moins que les autres. Lequel? Moi, j'ai vraiment pas aimé le 5. Je l'ai trouvé, surtout après le 4. Enfin, j'ai trouvé le 4 exceptionnel, vraiment. Quand j'ai lu le 5, j'ai été franchement déçue parce que je trouve que dedans Harry se la pète complètement et il est vraiment prise de chou, quoi. Il se pose des questions existentielles à la con et enfin, ouais, moi il m'a gavé celui-là. Donc, dans le style, je déteste le tome 5. Moi, je le déteste vraiment parce que, pareil, les 4 premiers tomes, j'ai dû les lire. Je les ai lus, franchement, 10 fois chacun, quoi. Et je crois que j'exagère pas. Et quand j'ai lu le 5, j'ai trouvé ça tellement de la merde que j'avais pas envie de lire le 6. C'est quand même dire quelque chose, alors qu'avant, je sautais dessus. J'ai eu pas envie de lire le 6. Je l'ai pas lu. J'ai mis vachement longtemps à lire quand même. Je trouve ça, voilà. Et j'arrêtais pas de le tailler alors que j'avais pas lu d'ailleurs. Et j'aime beaucoup le 6, mais le 5, c'est pas possible, quoi. Et je déteste la manière dont Harry est. Je déteste la manière dont il ombrage aussi. Et je trouve que quand il y a trop de personnages insupportables, c'est pas lisible, quoi. Je trouve que c'est juste illisible. Je me rappelle de rien de ce tome-là. Je le hais, quoi. Faut que je le relise, d'ailleurs. Non. Moi, j'ai beaucoup aimé le tome 5, mais mon préféré, c'est le 3. Mais le 5, il est bien. Il y a l'armée de Dumbledore, et puis il y a Luna Lovegood qui arrive. Ouais, il y a Cho Chang, mais on s'en fout. On la voit pas beaucoup, quoi. Et ça empêche que c'est marrant, Harry et Cho, quoi. Oh mais oui, Harry il est chiant dans le 5, mais le tome 5 à part ça c'est bien, et puis moi je trouve ça bien avec Ombrage et tout, voilà, mais bon le 3 c'est quand même le mieux. Non, c'est le 4. Je te suis Lou complètement. Non mais ouais, moi j'ai bien aimé le 5, enfin c'est pas le préféré, quoi, parce que je pense que le 3 est à peu près unanime là-dessus, enfin c'est vraiment un livre kiffant, mais ouais, sinon moi le 5 j'ai bien aimé, c'est un peu les rebelles, tu vois, contre la société établie, bon c'est mon petit côté rebelle, tu vois. Non, bon après d'accord, il est complètement pathétique, mais bon c'est un adolescent, faut le comprendre. Après le oui, faut comprendre un peu Harry, il a vécu des choses tristes. Voilà, mais non, mais après peut-être que d'accord, moi non plus le 5 j'ai pas lu 15 fois, mais on a grandi aussi. Moi, c'est le 3 aussi que je préfère, mais je voulais revenir sur Nelly qui disait que le 4 était son préféré. Moi, en fait, quand je l'ai lu, je l'aimais vraiment pas du tout, le 4, parce que, en fait, je pense que c'est celui qui ressemble le moins à tous les autres livres. Bon, peut-être le 7, parce que le 7, il n'y a pas la scolarité, etc., mais le 4, en fait, il y a une narration qui est complètement différente, parce qu'il se passe vraiment plein de choses en même temps, et le fait qu'il y ait le tournoi des trois sorciers et tout ça, ça change vachement, et c'est vrai que moi, quand je l'ai lu, je me suis dit, bah voilà, ça ressemble pas trop à du Harry Potter, et pour moi, ça, c'était vraiment pas terrible. Mais je pense qu'en le relisant, ça me plairait parce que je pense qu'il est mieux écrit que les autres et qu'il est moins répétitif et moins au début il se passe rien et puis à la fin oh il y a le méchant et puis après Dumbledore il explique tout et finalement ça se finit bien et il va chez les Dursley, voilà. C'est peut-être pour ça aussi qu'on aime le 3 parce que justement à la fin c'est pas le même méchant quoi. Tu vois, c'est un petit changement. Ouais, t'as quand même lu les 4 premiers, non ? Il y a tellement longtemps que je les ai lus, mais non, mais je vais me ridiculiser, donc c'est pas la peine. D'accord, donc on passe aux personnages. Là aussi, il y en a un que vous aimez sûrement et un que vous détestez. Allez, allez-y. Allez, c'est parti de ce côté alors. Alors, moi j'adore Lupin, j'aime aussi Sirius, hein, mais parce qu'il est trop bien. Non, mais on a dit plusieurs. Un personnage, merde. Oh merde. Bon, Lupin, Luna et Dumbledore, parce qu'il est trop bien quand même. Alors, moi je suis désolée, je vais continuer à faire ma groupie, mais j'adore Olivier Dubois. Vraiment, je l'adore. J'adore Lupin aussi. Et là, ça devient dur. Alors, je vais dire Dumble, Fred and George. Dumble, Fred et George Good, on va dire. Voilà. Bah, moi, j'adore Sirius et Lupin aussi. Et Snape, enfin Rogue. Je l'aime. Bon, mais je crois qu'on va pas faire les oreilles. Enfin, l'original, là, pareil, Sirius, Lupin et les jumeaux, quoi. Les jumeaux Weasley, c'est génial quand même. Bon, ben moi, quand même, bon, je sais que Ron est un loser, mais je l'aime. Voilà. Et Fred and George, obligé, et Lupin. Bon, ben, moi, c'est très dur. Moi, je kiffe les Weasley, donc voilà. Bon alors, Ron, Ron, Ginny et Bill, parce que c'est moi. Et Luna, parce que je l'aime bien aussi, il est trop bien, et Neville. Moi, j'aime bien le professeur McGonagall, parce que personne n'y a pensé. J'en ai lu que 4, mais dans les 4 que j'ai lus, eh ben, j'ai trop kiffé McGonagall. Et je suis désolée, mais moi, j'adore Harry Potter quand même, quoi. Parce que tout le monde parle jamais d'Harry Potter. Harry Potter, c'est jamais le personnage préféré de tout le monde, mais quand même. Harry déchire. Ok. Bon, et toi, Elena ? Moi ? Mais c'est pas moi, c'est moi qui mène l'interview. Moi, alors, moi, c'est The First One, c'est les jumeaux. Ah, j'ai été triste à la fin du tome 7. Il y a Ron aussi, c'est un loser, mais je l'aime bien. Et sinon, le dernier... non, parce que les maraudeurs, je suis pas trop... Je vais dire Neville. Parce que quand même, hein, Neville, au début, c'est le petit gars qui est trop timide et tout, qui se plante, qui se ramasse partout. Et à la fin, ça devient vraiment un peu le meneur, quoi. C'est un peu comme Harry. Bon, Harry, au bout d'un moment, il nous gave, mais lui, c'est un peu la même histoire, quoi. Les parents torturés par les mange-morts et tout. Et à la fin, c'est lui qui tue même le serpent et tout. Donc, trop bien, quoi. On les aime tous. Ok, donc maintenant, vos 3 personnages détestés. Bon, alors moi, c'est les maraudeurs et les mange-morts, donc vite fait, voilà. Ok, ben Cho, elle sert à rien. sinon, j'aime pas trop les Malfoy, comme c'est original. Enfin, surtout le Draco, parce que son père, tu vois, il a un peu la classe et tout, mais Draco, c'est trop un loser. Hein. Et Lavande aussi, elle sert à rien, quoi. Alors bon, moi, je déteste Cho, mais vraiment, je la hais. Un truc de fou. Et je déteste les elfes de maison aussi en général. De toute façon, alors eux, dès qu'ils sont là, j'ai envie de les baffer. Et aussi, Je viens de penser justement à quelqu'un que j'aime pas du tout et ça vient de me sortir de la tête. Non, c'est pas que j'aime pas du tout, c'est Hagrid qui me pompe un peu l'air quand même, quoi. Je suis désolée, tout le monde adore Hagrid, mais moi, enfin, je l'aime bien, mais il me saoule, quoi, voilà. Enfin, ouais. Non, moi, je crois qu'il n'y a pas de place pour la haine dans mon cœur. Merci. Magnifique. Et ben moi, il y en a plein, donc j'aime pas du tout les elfes. J'aime pas Fleur de la Cour dans le 4 avec son... Ah non, elle me saoule, là, elle va toujours avec sa... Avec sa sœur, là, sa petite sœur, elle commence à me saouler. Et je pensais à qui d'autre tout à l'heure. Mince. Tant pis, c'est parti. Sa vieillesse, je ne sais plus. Cho, voilà, Cho. Bah, bien évidemment, mais Cho, c'est évident, mais personne n'aime Cho, quoi. Elle sert à rien, pauvre fille. Enfin, voilà. Bon, ben, moi, j'aime pas les méchants. Donc, voilà, ça va être clair. Alors là, vraiment, Nelly, je suis désolée, mais j'aime pas Snape. Je n'aime pas Snape quand il était méchant et je n'aime pas du tout que Snape ait été amoureux de Lily. Je trouve ça pourri. Et voilà. Et sinon, eh ben, je n'aime pas tous les personnages inutiles qui sont là juste pour faire joli. C'est-à-dire donc Cho Chang, Fleur de la Cour, Lavender Brown et tout ça. Moi, je n'aime pas Percy et son revirement de situation de merde. Après, je sais pas. C'est trop dur. J'aime Cho parce que j'ai pas envie d'être comme tout le monde. Non, je l'aime pas, elle est nulle. J'aime pas Crabbe et Goyle, ils sont nuls aussi. Ça se sert à rien, quoi. Et voilà. Ah oui, il est méchant. Bouh, bouh. Moi, j'aime pas que de vert. Je l'aime que quand il est en mode. Je l'aime que quand il est en mode rat et qu'on sait pas que c'est que de vert. Voilà. Exactement, Croutard, ouais. Le vieux rat. Les documentaires, mon Dieu ! Ouais. Donc, après toutes ces théories sur les livres, on va passer sur les films. Donc, il y a 5 films qui sont sortis aujourd'hui. Donc, si vous les avez tous vus déjà ? Oui. Non, non. Moi, j'ai vu le 1, le 2 et le 4. Voilà. Il y a un problème. Ok, cherchez le problème. Moi j'ai vu le 1, le 2, le 3, je sais pas si je me rappelle plus du 4, donc je sais pas si je l'ai vu, mais voilà. Ok, donc on va passer, donc comme pour les livres, quel est votre film préféré et celui que vous détestez parce que vous pouvez plus le voir en peinture parce qu'il y a un personnage qui vous énerve ou autre chose, voilà, il est nul. Alors, moi je voulais déjà démarrer par celui que j'ai vraiment détesté, c'est le 2. Je l'ai trouvé vraiment ridicule. Et avec les progrès qu'on fait au niveau effets spéciaux, le serpent était pathétique. Mais vraiment, quoi. Et enfin, moi, j'ai été dans l'ensemble, de toute façon, très déçue. Parce que c'est vrai qu'on se fait tout un monde imaginaire en lisant les bouquins. Donc forcément, ça peut pas être transcrit sur l'écran. Mais le 4, que j'ai vraiment adulé, enfin, au niveau des descriptions, des paysages, etc., enfin, je l'ai trouvé vraiment bien. Et donc j'attendais le film avec impatience et j'ai été déçue notamment par la faible place de la Coupe du Monde de Quidditch, alors que dans le bouquin, elle occupe beaucoup plus de place. Donc, enfin, en globalité, j'ai été déçue. Bah ces films je les kiffe de toute manière parce que je pense que voilà on peut jamais retranscrire un livre et que voilà donc je les prends pour ce qu'ils sont quoi, c'est-à-dire c'est autre chose que les livres d'une manière voilà quoi. Je trouve que les deux premiers sont franchement hyper mauvais quoi. Le premier franchement c'est horrible, il peut passer que sur Gulli et encore franchement limite quoi, c'est vraiment des trucs nuls à chier quoi. Le deuxième il est horrible parce qu'en plus déjà le deuxième livre est un peu moi je l'aime pas trop et en plus en film c'est encore pire, mais franchement moi j'ai bien aimé le 3 même s'il est tourné en studio, même si le loup-garou il est pourri, de toute façon je vais faire des loup-garous, je l'ai bien aimé, j'ai trouvé ça vachement marrant et puis le 4 m'a fait kiffer et le 5 est bien, je trouve le 5 est génial même s'il y a cette connasse de Cho. Moi, j'ai juste un truc à dire par rapport au film, c'est qu'ils sont, pour les avoir vus basiquement en français, ils sont horriblement mal doublés. Et quand tu les regardes en anglais, ils sont horriblement bien parlés avec un accent anglais super. Mais Emma Watson, mais où as-tu appris à jouer, quoi ? Mais elle joue comme une merde ! Alors, c'est Hermione. Mais moi, je suis assez indifférente au film, je les aime pas spécialement, il y en a pas, je sais pas, lesquels je déteste, il faudrait peut-être que je les revoie. Mais j'ai mes préférés, je pense, c'était le 3, parce que c'est vrai qu'il y a une ambiance et c'est pas forcément ce qu'il y a dans les autres films. Et le 5, je l'ai bien aimé parce que j'aimais bien le livre. Et je trouve que même s'il manquait des trucs, il montrait bien l'esprit du 5. Alors que le 3, même si c'est vrai qu'il était bien réalisé et tout, il manque plein de trucs, on comprend rien, l'histoire des maraudeurs et tout ça. Et ça c'est nul parce que c'était mon livre préféré et ils ont tout coupé. Moi, je suis pas non plus très fan des films, outre que je n'en ai pas vu beaucoup. Et en fait, enfin, déjà, le 3, j'aime pas. Enfin, je sais pas pourquoi. Je me rappelle plus trop parce que ça fait longtemps que je les ai pas vus. Mais moi, ça m'a déçu pour plein de trucs, notamment le loup-garou Gollum qui est bizarre, un peu décharné, quoi. Et ça ressemble pas à un loup-garou pour moi. Normalement, c'est musclé, un loup-garou. Ça fait peur, quoi. C'est... Enfin, bon, voilà, on dirait une tapette un petit peu. Donc peut-être que le loup-garou est gay, on sait pas. Mais non, mais quand il se transforme, enfin bon, c'est la magie, tu sais. Bon, allez, donc non, mais voilà. Sinon, le premier, même si je les ai vus qu'en français, moi je kiffe le doublage de Emma Watson. Oui, parce que c'est tellement ridicule. J'aime, mais c'est, je sais pas, j'ai dit ça, mais pff, ouais. I love the doublage of Emma Watson, you know, parce que Mandragore ou Mandragora, et aussi Drago, j'aime bien. Je trouve que, enfin, même si le jeu est pourri, mais après c'est trop marrant. Quoi. Merci. Alors. Alors le 3, c'est mon préféré. Pas du tout parce que c'est mon livre préféré, parce que comme Lou a dit, il y a vraiment plein de trucs qui ont été un peu passés à la trappe, et c'est vrai qu'on comprend rien de l'histoire des maraudeurs. On comprend même pas, c'est même pas très clair que Lupin était vraiment un maraudeur. Ensuite, on comprend pas que c'était le patronus du père d'Harry. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Mais vraiment parce qu'il y avait une ambiance, et il y avait aussi la photo, elle est très belle, et la lumière est très belle, etc. Et ça change, c'est vrai que les deux premiers, c'est de la daube intégrale, quoi. C'est catastrophique. Et puis, le 5, ouais, parce que j'ai bien aimé la Dumbledore's Army. Et puis, Luna, faut dire que vraiment. Alors là, je suis pratiquement d'accord avec aucun acteur. Enfin, évidemment, on peut pas, ça peut pas être, ça peut pas correspondre à l'image mentale qu'on se fait des personnages. Mais alors là, Luna, elle est géniale. Physiquement, elle est géniale. Comment elle parle, elle est géniale. Donc, voilà, je l'aime. Alors moi, le 1, j'ai bien aimé un seul passage, je suis désolée, mais c'est le chemin de traverse. Moi, ça me fait trop kiffer de voir toutes les petites boutiques, c'est trop le plaisir, c'est trop le bonheur, quoi. Bon, le 2 est pourri, ça, on est tous d'accord. Mais non, on s'en fout, c'est pas grave. Et non, le 3 est un peu mal fait, décousu, moi, je trouve. J'ai un problème avec le loup-garou aussi, je suis vraiment désolée. La lune, tout ça, c'est vraiment très moche. Mais bon, mais il y a Lupin, et puis il y a Sirius, enfin bon, c'est quand même le plaisir, Gary Oldman, tout ça, enfin bon, bref, on s'en fout. Le 4, Fleur de la Cour, est franchement, mais c'est impossible, quoi. Elle est insupportable, mais sinon, il est très bien. Et le 5, c'est le plaisir ultime, avec la grosse bataille, ça se cassonne de partout, il y a tout le monde qui est là, c'est la bisounours, enfin, c'est trop bien, quoi. Et voilà. Je trouve qu'on n'arrête pas, on taille toujours les deux premiers qui sont absolument inexistants et trop nuls, mais moi, je les trouve quand même bien. Je suis contente que ces films aient été faits, parce qu'on peut les regarder et on peut franchement se ramasser la gueule sur eux. On peut faire de l'esprit devant un film de merde. Faut les regarder en français, sinon ils ont aucun intérêt, je pense. Et c'est vraiment génial, quoi. Des répliques comme « Elle est dans ta poche », on les trouvera que là, quoi. Ok, merci. Mais 1 et 2 étaient quand même la base. C'est Chris Columbus qui s'en est occupé, c'était quand même la base. À mon avis, c'est lui qui a dû mettre en image Poudlard, tout ça aussi. Donc, c'était pas évident au début, quoi. Pas, à mon avis. Ouais, moi, un truc que je déteste aussi, c'est qu'il fait toujours beau. En Angleterre, il pleut tout le temps. Là, il fait toujours beau et soleil. C'est-à-dire, soit c'est le soleil magnifique, soit il neige et c'est trop beau aussi, quoi. Il n'y a jamais des moments où il y a un temps de grosse daube. Mais c'est la magie. Ouais, mais c'était quand même la base des films Harry Potter, et bon, il s'est quand même bien débrouillé, quoi. Et c'est vrai que les premiers livres restent un peu univers enfantin, donc c'est après que ça se corse. Donc, parmi les films, il y a toujours un acteur qu'on déteste. Oui. on déteste son jeu, ou on déteste qu'il est. Par exemple, il y en a beaucoup qui n'aiment pas le nouveau Dumbledore parce qu'il est trop... énervé. Il y en a qui n'aiment pas Voldemort parce qu'il n'a pas les yeux rouges. Bref, quel est votre avis là-dessus? Alors déjà, Harry a les yeux verts, bordel, hein. Ensuite, Hermione est censée avoir des cheveux qui n'ont pas de brushing, et elle m'énerve, Emma Watson. Mais bon, ça va quand même. Elle est pas censée être belle, Hermione. Mais non. Sinon, j'adore aussi Luna Lovegood et McGonagall. Elle est trop bien. Et sinon, moi, c'est vrai que c'est toujours un peu décevant les personnages, mais on commence à s'y habituer maintenant. Donc maintenant, ça va à peu près. Oui, alors moi déjà, celle que je peux pas blairer, les autres je m'en fiche, ils passent, ils coulent à peu près. Cette Cho, je la déteste. Alors déjà, elle est immonde. Je trouve que c'est totalement infondé. Ça marche pas du tout parce que Harry il est censé avoir un coup de foudre sur cette putain de fille, quoi. Et là, c'est carrément un boudin. Elle a un gros nez avec des grosses oreilles. Elle est immonde. Je veux dire, comment t'as un coup de foudre là-dessus? Je trouve ça tient pas debout, quoi. Ça tient pas debout. Alors dans le 5, ils ont essayé de l'arranger. Ils ont mis une frange. On voit plus ses oreilles et tout, vachement mieux, quoi. Mais dans ce cas-là, j'aurais préféré la jouer. Enfin, bon, passons. Celle que je déteste aussi, tout le temps à vie, c'est Emma Watson, quoi. Mais alors, elle, c'est carrément physique. C'est de pire en pire. En français, elle est insupportable mais drôle. Et franchement, c'est une gradation dans l'horreur, en fait. Elle devient de plus en plus immonde. Et là, dans le 5, c'est vraiment le summum de je peux pas la blairer, quoi. Et moi, je suis désolée, j'aime bien Daniel Radcliffe. Je trouve qu'il progresse, que ce jeune homme est prometteur et que ce qu'il fait devient de mieux en mieux. Et que c'est un garçon plein d'avenir. À part ça, bon, j'adore l'acteur d'Olivier Dubois aussi. Oui. Il n'y a pas de place pour la haine dans mon cœur. Menteuse. Amour, oui. Alors, Clémence Poésie a un véritable problème de fond. Parce que Clémence Poésie, fleur de la cour dans le cadre. Moi, je n'en peux plus. Ah non, mais... My little sister, you saved her! Non, mais franchement... Ouais, non, mais c'est pas possible, quoi. Elle a un accent pourri. Le pire, c'est que je suis sûre qu'elle peut en avoir un bien, mais elle fait exprès, quoi. Pauvre fille. En même temps, c'est la seule réplique qu'elle sort dans le film 4. Hein. Oui, non, elle est inutile, on est bien d'accord. C'est bien ça. Qu'est-ce qu'elle fout, là, quoi? Moi, c'est la question que je me pose. Elle est censée être super belle, et ben, je suis désolée. Elle est pas... Bon, ça va, elle est pas moche, mais elle est pas... C'est pas une mélade. C'est que surtout... Moi, je pense que c'est pas de la faute de cette pauvre fille. C'est surtout qu'ils l'ont pas arrangée. Ils auraient pu en faire un putain de canon, et que là, elle est assez banale, quoi. Puis elle est censée avoir une espèce d'aura, etc., que vraiment tout le monde soit complètement ébahi devant elle. Elle est banale. Alors que là, bah voilà, si, elle est jolie, mais c'est une fille. Elle, c'est de la faute de la réalisation. Ils auraient dû choisir quelqu'un d'autre, quoi. Bref, donc j'ai raison, elle sert à rien. C'est parfait. Sinon, Rupert Green, bravo, tu es en train d'améliorer ton jeu. Tu étais insupportable au début avec toujours les mêmes mimiques. Et tu deviens moins moche. Et en plus, tu joues bien maintenant dans le 5. T'es beau, t'es magnifique, voilà, bref. Bon, moi j'ai un gros... voilà. Je kiffe Daniel Radcliffe. J'ai un problème avec Rupert Grint, voilà, parce que c'est ignoble. J'adorais Ron et ensuite j'ai vu son espèce de grimace qui fait tout le temps, qui est immonde, quoi, surtout quand il vomit des limaces. Mais alors là, c'est le comble de l'horreur, quoi. Déjà quelqu'un qui vomit des limaces, c'est pas beau, mais Rupert Grint qui vomit des limaces, c'est quand même immonde. Mais bon, dans le 5, ça va, quoi. Le problème dans ces films, je trouve, c'est qu'ils ont toujours des coupes de cul. Et ils essayent différentes choses, mais à chaque fois, c'est vraiment trop laid. Donc, je sais pas, je pense que les coiffeurs ont un problème. Entre Hermione qui est brushingée, Harry qui a une espèce de mèche sur le côté, l'autre qui a les cheveux longs, comme ça, là. Ah oui, le pire, c'est le gars dans la DA qui a les cheveux longs, là. Ah, je sais plus comment il s'appelle, il est trop drôle. Voilà, sinon, je déteste Emma Watson. Bon, moi je connais pas les noms forcément des acteurs. C'est vrai que moi je trouve que McGonagall déjà, elle est énorme. Enfin, c'est vraiment. Enfin, moi je trouve que l'image elle est bien faite, quoi. Voilà. Après, oui. Non, mais si, il y a aussi ce qu'on aime. Voilà. Après, moi j'adore l'acteur qui joue Rogue en même temps. Enfin bon, voilà, un acteur de ce potentiel-là, il peut pas jouer mal. J'aime pas. Ah bon, d'accord, pardon. Eh ben, ouais, t'avais dit on aime et on aime pas, je crois. Bon, bah voilà. Eh ben, d'accord. Eh ben, alors Emma Watson ne sait pas jouer, mais en français, elle parle, c'est marrant. voilà. Et j'aime pas Ron non plus. C'est vraiment, je sais pas, il ressemble pas à Ron. Pour moi, Ron, il est beau. Et il est roux. Il est beau. Moi, j'ai été très déçue aussi par Lupin parce que il est pas censé être très beau, mais là, je le trouve un peu bouffi, quoi. Et moi, je l'imaginais beaucoup plus sec et machin. Et Maugrey Folloy aussi, j'imaginais pas du tout pareil. Donc, voilà, ça, non, c'est vraiment. Le garou à l'état normal, il est censé être sexy comme un vampire, quoi. Voilà, à peu près. Non, non, mais je sais pas, il m'a vraiment déçue. Et Tonks aussi, Tonks, c'est horrible. Je suis d'accord sur Tonks. C'est une pouffe. C'est une pouffe, elle est moche. Comment ? Voilà, Nathalie Tena. Bon bah voilà, Nathalie Tena, je t'aime pas. Alors sur Lupin, bon alors physiquement vraiment pas du tout, mais je trouve qu'il joue très très bien parce que on a revu le 5 et j'avais, enfin quand je le voyais parler, j'avais vraiment l'impression que c'était Lupin qui parlait, enfin l'image que je m'étais fait de Lupin, alors que physiquement il ressemble pas du tout à ce que j'imaginais. Donc voilà, bravo. Je voulais juste ajouter par rapport à Bellatrix, en fait, moi je trouve que elle n'est pas assez hautaine, elle fait un peu grosse folle. C'est bien, moi j'adore cette actrice, Helena Bonham Carter, mais mais là elle fait complètement folle, elle fait pas le côté très hautain et digne des Malfoy, et c'est un peu dommage. D'accord, donc c'était vos personnages détestés, enfin celui préféré, détesté, on a un peu tout mélangé. Donc, on va plutôt revenir sur le film 5, puisqu'il est sorti il n'y a pas longtemps, vous l'avez peut-être... Ah, il y en a quelques-uns qui ne l'ont pas vu. Nelly, tu l'as pas vu, non ? Non, je l'ai pas vu. Non ? Ah, c'est dommage. C'est quand même du meilleur spectacle que le 4, ouais. Il est mieux. Et donc, vous, qu'est-ce que vous avez pensé du 5 ? Est-ce qu'il y a... parce que... Ouais, dans le 5, par exemple, les scènes entre Ron et Hermione ou les scènes de l'AD, qu'est-ce que vous avez bien aimé dans ce film ? Parce que, quand même, il déchire ce film. Ouais. Non, je suis d'accord, j'ai vraiment adoré ce film et pourtant j'ai détesté le livre. Alors vraiment, c'est qu'il y avait quelque chose. Bon, mis à part Ombrage qui est absolument fantastique, il faut bien le dire, que moi je trouve génial, je déteste Hermione et pourtant j'ai adoré la scène où Harry revient d'avoir embrassé Cho et qu'ils parlent tous les trois. J'ai trouvé ça trop mignon, c'est mon côté fleur bleue peut-être, je sais pas, mais je trouvais ça bien. Et je trouvais que sur le moment elle était pas insupportable, elle était bien, quoi. Elle faisait un peu plus Hermione, mais bon voilà. Et c'est tout. Bon, moi c'est aussi pour le côté un peu pathétique, niais, pitoyable, c'est quand Lupin console Harry qui pleure, pauvre garçon, parce que Gary est mort, enfin Sirius est mort et c'est affreux, et moi j'étais en train de pleurer au cinéma, pathétique, et ma mère était là et me regardait, elle me dire mais ma pauvre fille, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et donc voilà, et c'était un moment mais de grand cinéma, quoi, j'ai envie de dire. Alors moi j'ai aimé tout ce qui était dans la salle sur demande. Parce que je trouvais qu'elle était vachement bien faite, cette salle, et puis c'était vraiment bien comment ils lançaient tous leurs sorts, les patronus, je trouvais que c'était super mignon, ça servait à rien mais ils étaient là, ils gambadaient partout, c'était super chou. Et voilà, bon, alors évidemment à la fin, à partir du moment où ils sont au ministère, les prophéties, les mangemorts, ils ont des espèces de masques, on dirait des Jedi méchants là, comment ça s'appelle déjà, des sites là, des voilà, des maîtres sites et tout. Et puis alors la fin là, quand il a les yeux révulsés, qu'il est possédé par Voldemort, mais c'est immonde. Et quoi, non, et alors le duel entre Voldemort et Dumbledore. Attends, le serpent de feu, parce que, oh, c'est un méchant, mais là, oh, attention, il y a de l'eau qui arrive, parce que Dumbledore, c'est le gentil, alors il met de l'eau pour éteindre le feu et tout. Non, ça, c'était vraiment pathétique, je suis désolée. Ces putains de Vengemorts, ils font de la fumée noire, et les gentils, ils font de la fumée blanche. Non, franchement, juste, on dirait une équipe de foot, tu vois, ils ont des maillots pour qu'on les reconnaisse et qu'on sache qui c'est qui est en train de buter qui, quoi. Par contre, le truc bien aussi que j'ai trouvé très plaisant, je suis désolée de revenir sur ça, côté hormones en folie, mais je trouve que les scènes où tu vois où il y a Harry et Sirius sont vraiment belles, quoi. Je trouve que waouh, quoi. Et sinon les détraqueurs, mais c'était n'importe quoi. Ils ressemblent à rien, ils volent alors que les détraqueurs ça vole pas. Déjà dans le 3 c'était n'importe quoi, mais au moins ils avaient des espèces de capes, donc on les voyait pas. Mais là c'est trop moche, donc. C'est nul, mais moi, comme Chloé, j'ai trop adoré tous les passages avec l'armée de Dumbledore et Umbridge, elle est trop bien. Et voilà. Mais c'est vrai que la fin, c'est un peu chiant, un peu nul. À part le moment très mignon où on voit Harry qui se rappelle des moments heureux avec ses amis. Mais sinon, le passage aussi avec le, le discours de Sirius, le bien et le mal en chacun de nous, n'importe quoi. Mais bon, sinon, moi, j'ai aussi beaucoup aimé ce film. Voilà, donc c'était The Balizzi, The Masculine Union, pas ça, c'était leur avis. Donc ils ont les hormones en ébullition, hein. Ils ont 19 ans, on va leur pardonner. Donc vous allez vous faire des ennemis, parce que quand même, les scènes de la fin sont quand même géniales, quoi. Elles sont grandioses. Non, je ne cautionne pas, je dis que je ne cautionnais pas. Voilà, donc avec Caro, voilà, les seuls là-dedans. Vas-y, alors, vite fait, hein. Et tu démolis pas le film, hein, parce que je l'aime bien. Juste qu'on est un groupe, d'accord, mais on n'a pas tous les mêmes points de vue, donc il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment pas, il y en a qui ont les hormones en folie, il y en a d'autres pas, il y en a qui aiment ci, il y en a qui aiment ça, et puis c'est tous différents, et puis voilà, au revoir, pardonnez-nous. Ouais. Ok, donc on continue, on vient de passer au film 5 là, donc on va continuer sur le film 6 et 7. Bon, ils sont pas encore sortis, mais vous avez lu les livres, donc quelles sont vos attentes, vos espérances vis-à-vis des films par rapport au film, qu'est-ce que vous voulez voir, qu'est-ce que vous voudriez couper, qu'est-ce que vous voudriez passer à la poubelle, qu'est-ce que vous voudriez absolument mettre. Moi, je pense que le 7, ça va être très très difficile de faire un bon film, et surtout la fin, quoi, parce que enfin, surtout le chapitre où il se dit oui, je vais mourir, je vais me sacrifier, etc. Moi, je trouvais que c'était vachement bien, et mais c'était aussi. C'est tout ça se passe dans sa tête, et j'ai peur que bon ben même si le pauvre Daniel Radcliffe il fait un peu ce qu'il peut, quoi, parce que en même temps Harry c'est pas non plus un personnage super génial à jouer, quoi, c'est un peu le héros qui lui arrive tous les trucs, c'est pas terrible, quoi, mais je pense que ça va être vraiment dur à retranscrire, et ça va être un peu genre le passage avec la musique mélodramatique, et il est dans la forêt, c'est la nuit et tout ça, et on va perdre tout ce côté-là qui moi m'a vachement plu, quoi. Et voilà, bon, après l'épilogue, je sais même pas ce qu'ils vont faire. Là, ça va être catastrophique. Ouais, moi je sais pas ce qu'il faudrait couper parce que je garderai tout, mais non, peut-être pas l'épilogue justement, parce que enfin je pense que ça sert quand on lit le livre pour savoir un petit peu ce qui se passe à la fin, mais dans le film je trouve que ça a aucun intérêt, quoi. Quelqu'un veut rajouter un mot? Vas-y Lulu. Non, je voulais juste dire que je pense que le 7 ça va être vraiment bizarre, parce que déjà là ils ont tendance tout le livre passe très vite, puis on passe 15 000 ans sur la fin, parce que la fin c'est compliqué, il se passe des millions de trucs que c'est important qu'il faut tout montrer. Mais alors là, le 7, ça va être comment, quoi? Parce que justement, ils passent 4000 ans dans leur tente, donc ça, on va avoir genre 3 scènes. Je pense que ça va être super rapide et qu'on va avoir une fin qui va durer 1h30 sur 2 heures de film, quoi. Je pense que ça va être très long et ça va être bizarre et ça va être vraiment en accéléré. Et je sais pas comment. Non, mais comme d'hab, ça va être accéléré, mais là, ça va être pire, quoi. Parce qu'il se passe concrètement pas grand chose avant la fin, quoi. Enfin, moins de choses, quoi. Enfin, bon. Les scènes de fleurs, s'il vous plaît. Pas de mariage. J'attends. Oui, toujours mon côté fleur bleue. Je suis la connasse du groupe. Mais franchement, dans le 6, la scène à la fin où ils sont à l'infirmerie et où Fleur dit qu'elle va épouser. J'adore cette scène. Attendez. J'adore cette scène. J'espère qu'elle y sera, quoi, parce que. Bah justement, dans le casting du film 6, on n'a aucune nouvelle sur Clémence Poésy. Apparemment, ouais, elle n'a pas été recontactée. Donc, si ça se trouve, ils ont carrément viré le rôle de Fleur. C'est quand même vraiment très dommage. Moi, je trouve qu'ils peuvent pas faire ça. Elle a quand même une place super importante dans le film, quoi. Ah, mais là, c'est nul, hein. Mais franchement, l'enlever, ça serait vraiment nul, parce que même dans le 7, elle a quand même une place importante, quoi. Et cette scène du 6, elle est merveilleuse. Ça fait pleurer les ménagères dans les chaumières, quoi. L'enlevez pas. C'est de l'audience assurée. C'est vrai que moi j'ai pas du tout. Enfin, le 6, c'est pas du tout mon livre préféré. Je trouve qu'il se passe pas grand chose, mais la fin, c'est vraiment très bien. Donc, s'ils coupent ça, ça sert à rien. Et ils ont intérêt à réussir à la fin quand il y a Rogue qui tue Dumbledore, parce que c'est un moment très fort. Ah, et alors ce qui va être trop bien dans le 6, c'est que normalement on va revoir Tom J'ai du sort. Ouais, donc pour Tom J'ai du sort, ils ont déjà choisi les acteurs, en fait. Donc Ralph Fiennes vient pour Voldemort vieux. C'est son neveu qui va jouer, je connais pas, c'est son neveu qui va jouer quand il était petit. Et pour le adolescent, ils ont trouvé quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire qu'on va avoir droit au souvenir de Rogue, ce qui est pas mal, souvenir de Voldemort, pardon. Et Oui, ils ont aussi commencé à tourner les scènes de dans la caverne. Donc, on l'attend avec impatience. Il sort le 26 novembre 2008. Je fais de l'info en même temps. Autre chose à rajouter, je sais pas. J'ai les demi des Quidditch, j'ai vu ça l'autre jour et c'est moche, c'est immonde. Je trouve qu'ils ont une conception de la mode super bizarre dans ces films en général. Par exemple, dans le 5, on avait... Non mais ils sont très gap toujours, ils sont très anglais toujours. Les gentils, ils portent des baskets, des Converse et des jeans. Et les méchants, ils ont du gel dans les cheveux, super quoi. Mais à part ça, je veux dire quand même, le 5 c'est ridicule. Ron et Hermione toujours habillés avec des t-shirts rayés à côté, c'est quand même la louche. J'espère qu'ils vont arrêter de faire des trucs comme ça. Ils sont tous tout le temps pareils quoi. On peut suivre la mode à travers les films, c'est super quoi. C'était la mode du rayé en 95, non, je sais pas. Ouais, bon, les Converse, c'est, ça date de très très longtemps, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Sinon, oui, on a choisi Lavande pour le, thème, le film 6. Elle a été choisie. Non, Jessie Cave. Et non, on n'a pas vu beaucoup de photos, mais qu'est-ce que vous attendez de cette relation hein? Parce que... Ron et Lavande, tout le monde l'attend, je crois. Ah ouais, moi je pense que ça va être très marrant quoi. C'est comme bon Ginny et Harry aussi quoi. Ah mais je pense que ça va être les meilleurs moments du film, ça va être pas long, mais à cause de Emma Watson, ça, parce que le mieux avec Ron et Lavande, c'est quand même la réaction d'Hermione et ouais. Elle est trop nulle, alors elle risque de tout gâcher, c'est ça qui va être con avec le film. Mais bon. Vois le 5. Vois le 5 hein, mais non, elle les écoute pas, elles sont belles. Attends, Sophie, elle mérite que tu sois jalouse. Elle peut jouer que dans les films érotiques, c'est tout ce qu'elle devrait faire de sa vie quoi. Mais n'importe quoi, elle est très bien cette jeune fille. Lucie, explique ta théorie de film érotique. Je trouve qu'elle est très très très intéressante. Non, tu te fous de ma gueule. Je trouve juste que Emma Watson, elle joue tellement mal. Elle a toujours les mêmes mimiques, genre un peu offusquées, genre ah, c'est trop horrible. Enfin, faut voir avec sa tête, regarder en n'importe quel extrait, elle fait ça tout le temps. Et je trouve que ça, c'est un truc, je veux dire, avec ce jeu, elle pourrait juste jouer dans un film érotique, ce serait parfait. Je la vois tout à fait avec un espèce de mec super riche, pervers, qui essaye de la forcer à faire des trucs avec elle. Non, non. Franchement, j'imagine que ça quoi. Voilà, on va s'arrêter là sur ces dernières paroles. Merci. Pour le film 6. Donc on arrive à la fin de cet épisode 18 en compagnie de The Basilisk in Your Pasta. Donc... Pouvez nous écouter sur la rythme. Pouvez nous envoyer des messages sur Skype. Et vous pouvez nous envoyer des mails. Vous pouvez faire des théories sur le forum. Et vous pouvez aller écouter The Basilisk in Your Pasta sur leur MySpace. MySpace. Donc, pour cette conclusion très musicale, donc, vous pouvez retrouver la rythme sur ritm.gazette-du-sorcier.com, nous envoyer des messages audio, des beuglants, tout ce que vous voulez, même nous chanter des morceaux si vous sentez d'humeur à concurrencer The Basilisk in Your Pasta. Ouais, faites plein de groupes, comme ça on pourra faire du méga concert. Voilà, donc pour envoyer les messages audio, c'est sur Skype, sur gazette-du-sorcier. Et finalement, pour finir, vous pouvez nous envoyer des mails. Donc soit nous écrire, soit nous envoyer des petits fichiers audio aussi, pour toujours chanter. Donc ça, c'est à ritm.gazette, je me souviens plus de l'adresse, c'est très bien. Je couperai tout ça. Et aussi nous retrouver sur le forum, donc forum de la Gazette du Sorcier. Voilà. Et le MySpace de The Basilisk in Your Pasta. Ouais. C'est l'URL de la http://myspace.com/thebasilisk-in-your-pasta, tout attaché. Oh yeah! Voilà, donc vous inquiétez pas, vous retrouverez les liens juste dessous, dans l'explication, si vous n'avez pas tout suivi. Voilà, c'était The Basilisk in Your Pasta sur la rythme.